des jours où j'aimerais être sourd dans un corps sans insomnie. Des jours où j'en ai vraiment plus de goût. Faites des gosses qui nous ont dit. Il y a des jours où j'aimerais prendre le large, prendre le temps et me faire plaisir. Prendre le temps de dire au revoir à ma routine. J'aimerais faire un tour, m'enfuir d'ici, qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, mais tout se répète encore, encore. J'aimerais faire un tour, partir d'ici, et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Il y a des jours où j'aimerais être vous, insouciant et sans souci. Des jours où j'aimerais avoir plus de sous. Après tout, je ne suis pas routier. Il y a des jours où je suis sûr de moi. Des jours où rien ne va. Il y aura un jour où je prendrai le large. Un jour où je prendrai mon tour. Loin d'ici, loin de tout souci. Besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, mais tout se répète encore, encore. J'aimerais faire un tour, partir d'ici, et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore. Tout se répète encore, encore, encore, encore, encore, encore. Car tout se répète encore, vivre encore. Mes choix dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, mes choix dans mes torts. Mais tout se répète.